ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc aujourd'hui on va faire le cours de tafsir inshallah. On va commencer avec la sourate Amma. Donc comme dans la salle de Camus à Lille, je fais le début du Coran. On a commencé avec le Baqara. Comme ça ici à Tourcoing, on fait la fin. On fait Jouz Amma. Donc avant de rentrer dans le tafsir, on peut rappeler un peu des choses à propos du tafsir. Premièrement, c'est que le tafsir du Coran, c'est une des sciences les plus importantes dans l'islam. Donc les sciences dans l'islam, al-ulum al-islamiya, les différentes disciplines entre guillemets qu'il étudie un étudiant en sciences religieuses, il y en a quatre principales. Ces quatre principales, c'est premièrement la science de l'aqida, ou alors on peut l'appeler aussi la science du tawhid, c'est-à-dire le monothéisme ou la croyance. Donc c'est connaître la foi en Allah, al-iman billah wa bil malaika wa rusul wa al-kutub wa al-yawm al-akhir wa al-qadr. Et aussi, donc c'est croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement et au destin. Donc c'est connaître ces points-là. Et rentre aussi dans la aqida d'autres points qui ne sont pas cités dans le hadith de Jibril. Comme par exemple le fait, ce qu'on appelle ta'atu ou ulatul umur, le fait de respecter et d'obéir au gouverneur musulman, ça rentre aussi dans la aqida. Parce que c'est un point qui différencie Ahl Sunnah, ceux qui suivent le Sahaba, radiallahu anhum, et d'autres groupes qui ont dévié de cette voie. On peut aussi rentrer dans ça, l'amour des Sahaba. Et le respect de Ahlul Bayt, c'est-à-dire dans la aqida, il rentre un point qui est le fait de parler du respect de tous les compagnons du prophète, et notamment au sein des compagnons, la famille du prophète, c'est-à-dire que Ahlul Sunnah, il fait partie de leur aqida, le fait de respecter et d'aimer tous les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans distinction, et de respecter et d'aimer tous les compagnons du prophète qui font partie de sa famille, c'est-à-dire Ali, Aqil, Abbas, Abdullah ibn Abbas, Fatima, etc. Donc ça c'est pour la science de l'aqida. Après il y a la science du fiqh, qui est en fait ma'rifatul ahkam shar'iyya tatbiqiyya, c'est-à-dire le fait de connaître les règles religieuses qui s'appliquent, c'est-à-dire les règles de la salat, de la zakat, du jeûne du mois de Ramadan, du hajj, du commerce, du mariage, du djihad, etc. Et aussi des héritages. Ça c'est la science du fiqh. Après il y a la science du hadith, c'est-à-dire connaître la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa signification. Et la science du tafsir, qui est connaître la parole d'Allah azza wa jalla et son explication. Donc ça ce sont les quatre sciences qui sont voulues pour elles-mêmes. Les autres sciences religieuses, elles aident à comprendre ces sciences-là. Donc c'est-à-dire par exemple usul al-fiqh, c'est les fondements du fiqh. C'est là qu'on va étudier par exemple le qiyas, l'ijma', comment à partir d'un texte religieux on retire une obligation ou une simple recommandation. Tout ça c'est dans usul al-fiqh. Ça aide à acquérir le fiqh. C'est-à-dire le fiqh, c'est dire par exemple le fait de faire le ruku' dans la prière, c'est un rukn, c'est un pilier de la salat. C'est-à-dire si tu le fais pas, même par oubli, ta salat elle est pas bonne. Ça c'est le fiqh. Usul al-fiqh, c'est comment, à partir du Coran et des hadiths, j'ai réussi à déduire ça. Donc c'est ça la différence entre le fiqh et usul al-fiqh. Donc usul al-fiqh, en fait, c'est un outil. Et le fiqh, c'est voulu pour lui-même. Usul al-fiqh, c'est un moyen d'arriver au fiqh. Après, il y a aussi ulum al-hadith, les sciences du hadith. C'est toutes les sciences qui nous permettent de distinguer entre un hadith sahih et un hadith da'if. Un hadith sahih, c'est-à-dire qu'on doit prendre, et un hadith da'if qu'on doit rejeter. Donc, c'est des sciences qui sont des outils pour arriver à la connaissance du hadith, etc. La science de, les différentes sciences de la langue arabe. Nahu, Sarf, Al-Balara, ça, c'est pas des sciences qui sont voulues pour elles-mêmes. C'est des sciences qu'on apprend pour comprendre le Coran et les hadiths. Donc, parmi les sciences principales, il y a le tafsir. Donc, l'interprétation ou la signification de la parole d'Allah Azza wa Jal. Et le tafsir, il a des bases, c'est-à-dire, il ne se fait pas comme on veut. Notamment, il ne se fait pas par la simple opinion. Parce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. » C'est-à-dire dans Sourate Al-An'am, dans les grands interdits, Allah il a cité les bases des interdictions. Il a dit, « Dis, mon Dieu n'a interdit que les turpitudes, cachées et apparentes, et le fait de transgresser sans droit. » Donc les turpitudes, c'est comme la fornication, etc. « Et le fait de transgresser, c'est-à-dire transgresser sur les droits d'autrui, et que vous associez à Allah ce dont il n'a descendu aucune preuve, donc le troisième interdit. » Donc tous les interdits rentrent dans ces interdits-là. Et en dernier, il a dit « Et que vous disiez sur Allah ce dont vous n'avez aucune science, ce que vous ne savez pas. » Et le Coran, c'est « Kalamullah ». Comme Allah dit dans le Coran, « وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. » Si un des associateurs te demande asile, donne-lui asile jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Donc parler du tafsir et de la signification du Coran sans science, c'est parler d'Allah directement sans science, parce que le Coran, c'est pas un livre que quelqu'un il a écrit ou que quelqu'un il a inventé. Le Coran, c'est directement ce qu'Allah a dit Azza wa Jal, et que Jibril a entendu d'Allah et il l'a transmis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'ordre d'Allah. Donc le tafsir, il se fait pas par les opinions, mais il se fait premièrement bil Coran, yani tafsir al Coran bil Coran. On explique le Coran par le Coran. Par exemple, il y a un exemple, on l'a cité plein de fois ici déjà. Quand Allah dit dans le Coran, Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim. Guide-nous au droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Et dans Surat al-Nisa, il dit, Ulaika al-ladhina an'ama Allahu alayhim, minan nabiyyin, wa siddiqin, wa shuhada'i, wa salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. C'est-à-dire, dans Surat An-Nisa, Allah nous dit, voici ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les hommes pieux. Donc, c'est-à-dire que ceux qu'Allah a comblés de bienfaits, dont tu demandes le chemin dans le Fatiha, Allah t'a montré qui ils étaient dans Surat An-Nisa. Ils sont quatre catégories. Donc, ça, c'est l'interprétation du Coran par le Coran. Donc, ça, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de versets. Les versets, ils s'expliquent les uns les autres. Après, il y a l'explication du Coran par la Sunna. Parce que Allah Azza wa Jalla dit وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. C'est-à-dire, nous t'avons descendu le rappel, la révélation, pour que tu expliques aux gens ce qui leur a été révélé. C'est-à-dire, pour que toi, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tu expliques aux gens ce qui leur a été révélé. Donc, une grande partie de la Sunna, quand on dit la Sunna, c'est-à-dire les hadiths, sa fonction, c'est d'expliquer le Coran. C'est-à-dire, à la lumière de la Sunna, on comprend le Coran. Si on n'avait pas la Sunna, les hadiths, on pourrait pas comprendre beaucoup du Coran. Parce que la Sunna, soit elle explique le Coran, ou soit elle te détaille ce que le Coran t'a dit de façon non détaillée. Par exemple, Allah, il nous a ordonné de faire la salat, mais pas comment, ni quand. Et la Sunna, elle a montré quand et comment on fait la salat. Ou alors, par exemple, Allah, Azza wa Jalla, il dit, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى إلى المسجد من المسجد الحرام بارك الله فيكم إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Le premier verset dans sourate Al-Isra. Donc Allah dit gloire à Allah ou pureté à Allah qui a fait voyager la nuit son serviteur, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de la mosquée sacrée à Masjid Al-Aqsa. si tu prends le verset tout seul, tu ne vas pas en retirer grand chose. L'explication du verset, elle est dans le hadith qui parle de l'Isra ou le Mi'raj. Là, le hadith, il faut t'expliquer tout ce qui s'est passé dans ce voyage. Donc il va te détailler ce que le Coran il a cité sans détail. Ou alors la sunna elle va carrément donner le sens du verset. Par exemple le verset où Allah Azza wa Jalla dit dans sourate Luqman, non c'est pas sourate Luqman, c'est une autre sourate, Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Ceux qui ont eu la foi et qui n'ont pas habillé leur foi par de la justice, ceux-là auront l'amn, c'est-à-dire la sécurité, ils seront sauvés. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Et ceux-là, c'est ceux qui sont bien guidés. Donc, As-Sahaba, comme ça a été rapporté dans les hadiths, radiallahu anhum, quand ils ont entendu ce verset, ils ont eu peur. Parce que le verset, qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui ont la foi, et dont la foi, elle n'a pas été touchée par du dhulm, de l'injustice. Or, l'injustice, elle est de trois sortes. L'injustice envers Allah, l'injustice envers toi-même, et l'injustice envers les gens. Ceux qui n'ont pas entaché leur foi par de l'injustice, ils auront la sécurité et ils auront la guidée. Donc les sahaba, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui d'entre nous n'a pas fait de dhulm? C'est-à-dire, si on prend le verset comme ça, on est tous fichus, puisque tous on a fait du dhulm, soit envers nous-mêmes, soit envers autrui. Ou alors même dans al-shirk al-asrar, envers Allah azza wa jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a répondu, Alam tasma'u ila qawli al-hakim, Luqman, idh qal, يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Il leur a dit, n'avez-vous pas entendu ce que Luqman a dit? C'est-à-dire Allah dans le Coran, il a cité Luqman quand il a dit, ô mon fils, n'associe pas à Allah, le fait d'associer à Allah c'est une grande injustice. C'est-à-dire ce qui est voulu par l'injustice dans ce verset-là, c'est le shirk. C'est-à-dire ceux qui ont eu la foi et dont la foi elle n'a pas été touchée par le shirk, ceux-là ils sont sauvés. Donc c'est-à-dire les musulmans, puisque c'est eux qui adorent Allah sans lui associer quoi que ce soit. Après, il y a aussi, après on interprète le Coran d'abord par le Coran, puis le Coran par la Sunna, et le Coran aussi par les paroles des Sahaba. Et donc parce que les Sahaba, c'est eux qui ont appris le Coran directement de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son explication aussi, ils l'ont apprise du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les Sahaba, il y en a qui sont plus connus que d'autres, dans le Coran, comme Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, qui était peut-être le plus grand savant en ce qui concerne le Coran, ou en tout cas le texte et la mémorisation du Coran. C'est pour ça que Omar ibn al-Khattab, quand il a réinstauré Tarawih, qui c'est qu'il a mis pour lire? Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu. Et aussi Ali ibn Abi Talib, alors aussi Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui disait, il n'y a pas une sourate du Coran sans que je sache quand est-ce qu'elle est descendue et pourquoi elle est descendue. Et il disait, si je connais quelqu'un qui connaît mieux sur le Coran, qui a plus de science à propos du Coran que moi, et vers qui on peut voyager, j'aurais voyagé vers lui. C'est-à-dire, c'est comme s'il disait, c'est moi qui connais le mieux, pour montrer aux gens, pas pour se vanter. Et après aussi, celui le plus connu dans le tafsir, c'est Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. Pourquoi? Parce que, comme c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari, une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait ses besoins, Ibn Abbas il est venu, il lui a posé de l'eau, sans que le prophète il lui demande, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il a vu ça, il a dit, c'est qui a mis l'eau là? Et on lui a dit, c'est Abdullah. Il a dit, Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil. Oh Allah, faqihu, c'est-à-dire rends-le faqih. Faqih, c'est celui qui comprend, qui a la science avec la compréhension de la religion. Donc c'est comme s'il lui disait, il disait, oh Allah, rends-le savant dans la religion, et apprends-lui al-ta'wil. Ta'wil, c'est-à-dire al-tafsir. Apprends-lui l'interprétation. Donc Abdullah ibn Abbas, ça s'est réalisé. C'est devenu le plus grand savant des sahaba dans le tafsir. Parce que, même quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, lui, il était encore adolescent. C'était un jeune homme. Mais il a vécu longtemps. Donc il a pu profiter notamment de l'héritage qu'avaient les sahaba. Donc il n'a pas appris que du prophète. Il a appris du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quelques années. Mais il a beaucoup appris chez les sahaba après la mort du prophète. Donc que ce soit Omar ou alors Zayd ibn Thabit et tous les autres compagnons qui étaient vivants, Abdullah ibn Abbas il faisait ce qu'on appelle talab al-ilm. Il étudiait la science religieuse chez eux. En tout cas sur tous les sahaba qui étaient à Médine. Et après il y a aussi le tafsir des tabi'in. Donc l'interprétation des tabi'in, donc la génération qui est après les sahaba. Donc ça aussi c'est accepté. Et généralement ils divergent peu. Les tabi'in ils divergent pas beaucoup dans l'interprétation du Coran. Pourtant si toi et moi on prend l'interprétation du Coran, les tabi'in on va croire qu'ils divergent beaucoup. Déjà les sahaba on va trouver qu'ils divergent beaucoup et encore plus les tabi'in. Mais en fait cette divergence c'est pas une divergence. Je vous donne un exemple. Quand par exemple Allah il dit Sirat al-Mustaqim, l'un des salafs, c'est-à-dire des sahaba ou des tabi'in, il va dire Sirat al-Mustaqim huwa l'islam. L'autre il va dire huwa al-Qur'an. L'autre il va dire huwa sunnah. Donc pour toi et moi, on va croire que c'est une divergence. Mais en fait, c'est pas une divergence. Parce que le chemin droit, c'est l'islam, c'est sûr. Et le chemin droit, c'est suivre le Coran, l'islam, on le prend du Coran. Et c'est aussi de la sunna, puisque l'islam. Donc, en vérité, eux, c'est parce que, souvent, les sahaba et tabi'in, quand ils veulent expliquer quelque chose, ils donnent un des exemples de cette chose. C'est comme dans Kitab al-Tawhid, vous trouvez, je crois, c'est Omar, radiallahu anhu, il explique Al-Jibt, il dit Al-Jibt al-Shaytan. L'autre, il dit Al-Jibt al-Sihr. C'est-à-dire, il y en a, il dit Al-Jibt, c'est le diable. Et l'autre, il dit Jibt, c'est la sorcellerie. En fait, ce que ça veut dire, c'est pas qu'ils divergent, qu'ils sont pas d'accord, c'est pas ça. C'est que le Jibt, c'est un mot qui englobe tout ce qui est le travail avec les démons, la sorcellerie, la voyance. Donc eux, ils donnent un exemple pour expliquer le mot. Donc en vérité, ils ont pas divergé beaucoup en ce qui concerne le tafsir. Et des fois, il y a des vraies divergences dans le tafsir. Donc quand il y a des vraies divergences, comment on fait pour prendre le meilleur avis? Bon, on regarde celui qui correspond à des hadiths. C'est-à-dire, si un des avis qui est basé sur un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est cet avis-là qui est bon. Si par contre, c'est juste entre les compagnons ou entre les tabi'in, donc là, c'est qu'il y a une divergence et ça peut arriver dans l'interprétation d'un verset ou de plusieurs versets. Donc ça, c'est les tabi'in. Et dans les tabi'in, les plus connus dans le tafsir, c'est justement les gens de la Mecque. Pourquoi? Parce qu'à la Mecque, qui habitait à la Mecque à la fin de sa vie, c'est Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, et c'est là qu'il a enseigné beaucoup l'islam, et toutes les disciplines de l'islam, même la langue arabe et la poésie, et notamment le tafsir. Donc c'est là que beaucoup ils ont repris le tafsir de lui, donc notamment Ad-Dahhak ibn Muzahim, Mujahid, Ikrima, et le plus grand d'entre eux c'était Mujahid, rahimahullah, dans le tafsir. Et c'est lui qui disait عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث مرات أقفه عند كل آية. Il disait, j'ai exposé le Coran trois fois à Abdullah ibn Abbas. C'est-à-dire trois fois, il a lu tout le Coran devant Abdullah ibn Abbas et je l'arrêtais à chaque verset pour demander ce qu'il veut dire. Donc c'est pour ça que si vous prenez Ibn Kathir, ben vous trouvez beaucoup Mujahid a dit, Soudi a dit, Dahhak a dit. Ça c'est les élèves de Abdullah ibn Abbas à la Mecque. Après aussi, donc, ça c'est la façon d'interpréter le Coran. Si on n'a plus d'athar, quand on dit athar, c'est-à-dire entre guillemets les informations, les traces, donc c'est-à-dire les hadiths ou les paroles des sahaba ou des tabi'in. Si on n'a plus de genre de paroles comme ça, avec des chaînes de transmission pour expliquer le Coran, alors avec quoi on va l'expliquer? En dernier recours, avec la langue arabe. Avec la langue arabe et aussi avec ce qu'on appelle al-qawa'id al-amma, avec les enseignements globaux de l'islam, c'est-à-dire à la lumière des enseignements globaux de l'islam et des règles de l'islam, on peut comprendre le Coran. Après aussi, le Coran il n'est pas tout au même niveau, c'est-à-dire il y a quand on lit le Coran, ça vous le trouvez notamment dans une parole d'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, qui a dit que le Coran il se divisait en quatre sorties, quatre parties, c'est-à-dire il y a une partie qu'un arabe il comprend parce que c'est sa langue. Donc il comprend directement, sans qu'on lui dise Ibn Kathir a dit. Et il y a une partie que les ulama comprennent, c'est-à-dire tu as besoin d'étudier le tafsir pour que, même si tu es quelqu'un par exemple qui aurait la langue arabe comme à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu aurais besoin d'étudier quand même le verset pour le comprendre. Et il y a des versets qu'il est obligatoire à tout le monde d'apprendre, donc c'est les versets qui concernent les héritages pour celui qui doit hériter, la salat, la zakat, etc. Et il y a des versets que tout le monde comprend. Donc c'est-à-dire que quand on lit le Coran, la grande majorité du Coran, tout le monde comprend. C'est-à-dire quand Allah il nous raconte les histoires des prophètes, Quand Allah nous parle du jour du jugement dernier, quand Allah nous parle de lui-même et de ses attributs et de ce qu'il fait avec ses serviteurs, etc., ça c'est la majorité du Coran et ça on le comprend. Donc il n'y a qu'une partie, donc il y a les trois autres parties pour nous qu'on doit apprendre, parce que nous on n'a pas la langue arabe de façon naturelle. Toutes les autres, donc il y a la partie qui rentre dans la partie qui a besoin d'explication, on doit l'apprendre. La partie qui concerne toutes les règles, le fiqh, on doit aussi l'étudier. Et la partie qui est à la base qu'un arabe y comprendrait, nous on doit l'étudier par rapport à la langue arabe pour pouvoir le comprendre. Mais sinon la majeure partie du Coran, surtout les sourates qui ont été descendues à la Mecque, ben on les comprend. Parce que ça parle des histoires des prophètes, d'Allah, comment il châtie ou il récompense ses serviteurs, de l'unicité d'Allah, donc la majeure partie c'est facile, on peut le lire. Après, ce qu'on peut rajouter aussi par rapport au tafsir du Coran, c'est les livres justement qui ont suivi cette voie dans l'interprétation du Coran. Donc les livres qui ont suivi cette voie-là, c'est-à-dire le fait d'interpréter le Coran de la bonne façon, comme on l'a dit, les plus connus, c'est premièrement le tafsir de Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, qui était du 4e siècle, et c'est le premier, rahimahullah ta'ala, à avoir réuni le tafsir dans un livre. Donc son tafsir, c'est à la fois le tafsir du Coran par le Coran, par les hadiths et les athars, et aussi par la langue arabe. Donc il y a beaucoup de hadiths et de athars, avec des chaînes de transmission dans son tafsir, mais aussi des explications qui viennent de lui. C'est-à-dire, après il rajoute sa parole et il explique. Il explique des choses en ce qui concerne le verset. Et même pour nous maintenant, si on lisait, pourtant c'est un livre qui a été écrit à plus de 1100 ans, ben, c'est pas très difficile. C'est-à-dire au niveau de l'arabe, quand Ibn Jarir y parle, la plupart des arabophones y comprennent. C'est pas très compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué dans ce livre? Premièrement, c'est qu'il est très gros. Et deuxièmement, c'est qu'il met les hadiths avec les chaînes de transmission. Donc pour toi et moi, ça veut rien dire. Nous, il faut qu'on nous dise Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Comme ça, déjà, on sait que c'est sahih. Et si c'est pas al-Bukhari ou Muslim, si c'est Abu Daoud ou Ahmed, il faut qu'on nous dise au moins Sahahahu Cheikh Al-Albani, ou bien Cheikh Ahmed Shakir, ou Ibn Hajar, c'est-à-dire qui parmi les grands muhaddithines, qui sont un peu reculés dans le temps, là, ont authentifié ce hadith. Sinon, nous, on ne peut pas distinguer un hadith authentique d'un hadith qui ne l'est pas. Donc, c'est ça la difficulté du tafsir de Tabari. Et après, il y a quelqu'un qui a fait comme Al-Tabari, mais en plus court, c'est Al-Baghawi, qui était, si je ne me trompe pas, du 5e siècle de l'islam. C'était un muhaddith de l'école Shafi'i. Et il a écrit un tafsir aussi, et un tafsir qui est sur la bonne aqida, c'est-à-dire dans ce qui concerne les noms d'Allah et les attributs d'Allah, il reste sur la même voie que As-Sahaba wa At-Tabi'in, c'est-à-dire il ne les explique pas, il les met comme ils sont. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Il ne cherche pas à détourner. Yadullahi wa qalat il-Yahud yadullahi maghloula, bal yadahu mabsutatan. Il ne cherche pas à expliquer l'yad, c'est le qudra, c'est le ni'ma. Il dit l'yad, c'est l'yad. C'est-à-dire, il reste sur l'aqida salafiya, l'aqida des sahaba et des tabi'in, sans changer. Donc ça, c'est le Baghawi. Et après, à plus tard, le plus connu, bien sûr, c'est Ismail ibn Kathir, qui était lui aussi un muhaddith shafi'i et un faqih, qui a écrit le livre qui est maintenant le plus connu. Et lui aussi, il a suivi cette voie. Il interprète d'abord le Coran par le Coran, et ensuite avec les hadiths et les athars, et ensuite par la langue arabe. Donc en vérité, c'est comme quelque part un résumé de At-Tabari. Et à notre époque aussi, il y a un cheikh qui a écrit un grand livre en ce qui concerne le tafsir, c'est Mohamed Amin al-Shinqiti, donc qui était un savant mauritanien qui vivait à Médine, qui est mort il y a peut-être 30 ou 50 ans, je ne sais plus, rahimahullah ta'ala, et qui a écrit un livre qui s'appelle Adwa'ul Bayan fi tafsir al-Qur'ani bil-Qur'an. Et aussi le livre donc, que nous on va lire, c'est le livre de Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, rahimahullah ta'ala, qui faisait partie des grands savants de l'Arabie Saoudite, qui est mort il y a peut-être 30 ans ou 40 ans, qui était de la même époque que Cheikh Shinqiti. Et c'était notamment le Cheikh de Abdullah al-Bassam et de Cheikh Mohamed al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Donc ce tafsir là, celui qui veut lire le Coran, juste comprendre ce que ça veut dire, il n'y a pas mieux que Tafsir al-Sa'di. Pourquoi? Parce que lui, en fait, il résume ce qu'ils ont dit les autres. Lui, il ramène pas de hadith, il ramène pas de paroles de tabi'in, il dit juste le verset, il veut dire ça. C'est-à-dire, lui, il a pris des autres livres, mais il résume, c'est plus facile pour nous. Donc on va lire dans Sourate Amma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Donc les premiers versets, qui c'est qui les connaît? Qui connaît les premiers versets de sourate Amma? Levez la main. Ah, quand même, moi j'ai fait peur. Donc le verset il dit, si on essaye de traduire, à propos de quoi est-ce qu'ils s'interrogent? À propos de la grande nouvelle sur laquelle ils divergent, mais plutôt ils sauront, et encore plutôt ils sauront. Donc le cheikh il dit ici, أي عن أي شيء يتساءل المكذبون بآيات الله. Donc c'est-à-dire, amma yatasa'aloun, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, à propos de quoi ils s'interrogent. Thumma bayyana ma yatasa'aloun anhu faqal, an an-naba'il 'azim. Donc ensuite Allah il répond lui-même, il dit, ils s'interrogent entre eux sur la grande nouvelle. Alladhi hum fihi mukhtalifun, ay 'an al-khabaril 'azim, alladhi tala fihi nida'uhum, wa intashara fihi khilafuhum 'ala wajhi at-takdhib wal-istib'ad. Donc c'est-à-dire ils s'interrogent sur cette grande nouvelle dans laquelle ils ont beaucoup divergé et ils ont beaucoup parlé dans le sens où ils s'en sont éloignés et ils n'y ont pas cru. Donc ils en parlent beaucoup mais dans le sens où ils y mécroient et ils s'en écartent. وَهُوَ النَّبَأُ الَّذِي لَا يُقْبَلُ الشَّكُّ وَلَا يَدْخُلُهُ الرَّيْبُ ولكن المكذبون بلقاء ربهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. Il dit donc cette grande nouvelle, c'est celle au sujet de laquelle il n'y a aucun doute. Mais ceux qui ne croient pas à la rencontre d'Allah n'ont pas la foi. Et même si tu leur venais avec tous les signes possibles, que ce soit les signes coraniques ou les signes dans la création d'Allah, ils ne croiraient pas. Et même s'ils voyaient, jusqu'à ce qu'ils verront le châtiment douloureux. ولهذا قال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أي سيعلمون إذا نزل بهم العذاب ما كانوا به يكذبون حين يدعون إلى النار جهنم داعا ويقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون. Donc Allah dit bientôt ils sauront كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون, c'est-à-dire bientôt ils vont savoir ce châtiment auxquels ils ne croyaient pas, bah bientôt ils vont le connaître. Quand on va les appeler pour rentrer en enfer, et qu'on leur dira, voici le feu auquel vous mécroyez, c'est-à-dire auquel vous ne croyez pas auparavant. ثم بين تعالى النعم والأدلة الدالة على صدق ما أخبرت به الرسل فقال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. أي أما أنعمنا عليكم بنعم جليلة فجعلنا لكم الأرض مهادا أي ممهدة مهيئة يعني معدة لكم ولمصالحكم من الحروث والمساكن والسبل, يعني الأرض معدة ليسكنها بنو آدم, والجبال أوتادا, أوتادا يعني تمسك الأرض لئلا تضطرب بكم وتميد, وخلقناكم أزواجا أي ذكورا وإناثا من جنس واحد ليسكن كل منهما إلى الآخر فتكون المودة والرحمة وتنشأ عنهما الذرية وفي ضمن هذا الامتنان بلذة المنكح. وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لكم وقطعا لأشخاركم التي متى تمادت بكم أضرت بأبدالكم فجعل الله الليل والنوم يغشى الناس لتنقطع حركاتهم الضرة وتحصل راحتهم النافعة وبنينا فوقكم سبعا شدادا يعني شديدا أي سبع سماوات في غاية القوة والصلابة والشدة وقد أمسكها الله بقدرته وجعلها سقا للأرض فيها عدة منافع لهم ولهذا ذكر من منافعها الشمس فقال وجعلنا سراجا وهاجا سراج يعني لا لامب وهاجا نبه بالسراج على النعمة بنورها الذي سار كالضرورة للخلق وبالوهاج الذي فيه الحرارة على حرارتها وما فيها من المصالح وأنزلنا من المعصرات أي السحاب ماء ثجاجا أي كثيرا كثيرا جدا ثجاج يعني كثير جدا لنخرج به حبا من بر وشعير وذراء وأرز وغير ذلك مما يأكله الآدميون ونبات يشمل سير النبات الذي جعله الله قوتا لمواشيهم وجنات ألفافا أي بساتين ملتفة فيها من جميع أصناف الفواكه اللذيذة فالذي أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة التي لا يقدر قدرها ولا يحصى عدها كيف تكفرون به أو تكذبون ما أخبركم به من البعث والنشور أم كيف تستعينون بنعمه على معاصيه وتجحدونها يعني درس وعبرة عظيمة Donc il dit ici, donc là maintenant il passe au verset suivant, il dit en fait, avant d'expliquer les versets, il dit ensuite Allah il a montré les bienfaits et les preuves qui montrent que les messagers ils ont dit vrai quand ils nous ont informés du jour du jugement. Donc après il a dit, il a cité plusieurs de ces bienfaits et des preuves pour les gens. Il a dit, n'a-t-on pas fait pour vous de la terre mihada? Mihad, c'est-à-dire quelque chose qui est prêt pour vous, que pour que vous puissiez voyager dedans et habiter dedans. C'est-à-dire que la terre, elle est, Allah il nous l'a préparée pour qu'on puisse y vivre. Waljibal autada. Et nous avons fait des montagnes des piliers, c'est-à-dire ou des piquets. C'est-à-dire que ces montagnes, elles empêchent la terre de trembler et de vous emporter. Wakhalaqnakum azwaja. Et on vous a fait des couples. C'est-à-dire que Allah vous a fait des mâles et femelles. Dans un même genre. Dans le genre humain, il a fait un mâle et une femelle. Pour que chacun y soit, y vive avec l'autre dans l'amour et la miséricorde. Et qu'il puisse ainsi avoir une descendance. Et aussi, ça nous rappelle, c'est-à-dire le délice qu'il y a dans la vie de couple et dans le mariage. C'est-à-dire, c'est comme si Allah il disait, regardez ce bienfait que je vous ai donné, que je vous ai créé en couple. Or, quand vous vivez en couple, vous vivez dans l'amour et la rahma. Et on a fait de vous, pour vous, de votre sommeil, un repos. C'est-à-dire, on a fait pour vous un repos qui vous coupe de vos occupations. Parce que si vous faisiez toujours vos occupations sans jamais vous arrêter, ça serait une nuisance pour vous. Ça vous fatiguerait. Donc Allah, il a fait la nuit et le sommeil qui enveloppent les gens. Pour que ces mouvements et cette activité qui les fatigue, elle s'arrête pour qu'ils puissent se reposer. Et on a construit au-dessus de vous sept durs, c'est-à-dire sept cieux qui sont durs et qui sont solides. Et Allah les a retenus par sa capacité, subhanahu wa ta'ala. Et il en a fait un toit pour la terre et il a mis dedans beaucoup de bienfaits dans les cieux pour les êtres humains. Donc il a cité par exemple وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا et on a mis une lampe éclairante. Donc il a nommé le soleil Siraj pour vous rappeler que dedans il y a une lumière qui est obligatoire, qui est essentielle pour vous. Sans cette lumière vous ne pourriez rien faire. Et الوهاج, c'est-à-dire ça implique que dedans il y a le harara. Donc c'est-à-dire Shams, elle donne aux créatures d'une part la lumière et de l'autre part aussi le harara, c'est-à-dire la chaleur par laquelle ils peuvent vivre. Et on a descendu de l'mu'sirat. L'mu'sirat, c'est-à-dire celle qui donne de l'eau, les nuages, ma'an thajjaja, de l'eau en abondance. Linukhrijabihi habban wa nabata, pour qu'on fasse sortir avec cette eau, habba, des graines, donc toutes les graines, le riz, le blé, l'orge, etc. et tout ce que les êtres humains y mangent. Wa nabata, et nabat, c'est-à-dire la végétation, que mangent les bêtes des êtres humains, comme l'herbe. Wa jannatin alfafa, et des jardins qui sont remplis de fruits délicieux, de légumes, etc. Donc tout ça, c'est Allah, il nous rappelle ses bienfaits, que personne ne peut englober, c'est-à-dire personne ne peut compter tous ses bienfaits. Donc c'est comme s'il leur disait, celui qui vous a donné tous ces bienfaits-là, que vous ne pouvez pas compter, comment vous pouvez mécroire à ce qu'il vous dit et mécroire à la résurrection dont il vous a informé? Et comment vous prenez ce qu'il vous a donné pour vous aider à faire les péchés? Parce que de tout ça, de la lumière du soleil, de la chaleur du soleil, des plantes, de l'eau, l'être humain il fait sa vie. Et il a son énergie et sa force. Donc eux ils prennent ce qu'Allah leur a donné, et cette force dans quoi ils l'utilisent? Dans le kufr et le ma'asiyah. Donc ce qu'Allah leur a donné, ils l'utilisent dans la mécréance et les péchés. Ça aussi, ça c'est un moyen de te détourner des péchés. Il faut penser à chaque fois que quand tu fais un péché, tu es en train d'utiliser le risque que Allah t'a donné pour faire ce qu'Allah t'a interdit. Par exemple, quand tu regardes ce qui est interdit, dis-toi que cet œil, si je te le rachetais 1 milliard, tu me le vendrais pas, même pour 1 milliard, parce que tu ne voudrais pas vivre aveugle. Donc cet œil qu'Allah t'a donné, tu t'en sers pour faire ce qu'Allah il a interdit. Quand tu écoutes la musique, tu es en train d'utiliser ton ouïe. Si je te l'achète aussi 1 milliard d'euros, ton ouïe, tu ne me la vends pas. Si je te donne, je te donne 1 milliard, un sourd il te dit, je te donne 1 milliard, et moi je deviens, j'entends, et toi tu deviens sourd à ma place. Billah et Alek, jamais tu prends son milliard. Parce que tu préfères entendre, pour pouvoir parler avec les gens. Donc ce qu'Allah t'a donné qui vaut des milliards, tu l'utilises pour écouter le musiqa, pour écouter la musique et la distraction. Ta langue qu'Allah t'a donnée, pareil, la parole, si on devait l'acheter, on l'achèterait avec tout ce qu'on a. Donc tu l'utilises pour parler sur quelqu'un, pour insulter, etc. Donc ça c'est un moyen de te détourner des péchés, c'est de te dire, subhanallah, je suis en train d'utiliser ce qu'Allah me donne pour faire ce qu'Allah ne veut pas que je fasse. Et pareil avec tout péché que tu fais, tu as besoin d'énergie pour le faire. Et cette énergie, d'où tu la puises? Si ce n'est, c'est Allah qui te l'a donné, par la nourriture qu'il t'a donné. Donc tu es en train d'utiliser ce qu'Allah t'a donné pour ce qu'Allah ne veut pas que tu fasses. Thumma qala, inna yawma al-fasl kana miqata, inna yawma al-fasl kana miqata, يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة الذي يتساءل عنه المكذبون ويجحده المعاندون أنه يوم عظيم، وأن الله جعله ميقاتا للخلق، ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، ويجري فيه من الزعازع والقلاقل ما يشيب له الوليد، وما تنزعج له القلوب، فتسير الجبال حتى تكون كالهباء المبثوث، وتشقق السماء حتى تكون أبوابا، ويفصل الله بين الخلائق بحكمه الذي لا يجور، وتوقد نار جهنم التي أرصدها الله وأعدها للطاغين وجعلها مثوى لهم ومآبا، وأنهم يلبثون فيها أحقابا كثيرا. والحقب على ما قاله كثير من المفسرين 80 سنة. Donc ici ensuite Allah عز وجل, après avoir rappelé les bienfaits qu'il a fait à sa création et les preuves, maintenant il leur parle du jour du jugement. Donc il leur parle de ce jour à propos duquel ils s'interrogent et auquel ils ont mécru, Et il leur dit que ce jour, il est miqata, c'est-à-dire il est prescrit à un jour qui est déjà prédestiné. Et c'est un rendez-vous pour toute la création. Donc le jour, yawma yunfakhu fis-sur fata'tuna afwaja. Le jour où on soufflera dans la trompe, vous allez accourir en groupe. Et il s'y passera des choses donc troublantes, des choses qui feront peur aux êtres humains, à tel point qu'elles feront vieillir les enfants. C'est-à-dire elles donneront des cheveux blancs aux enfants. Et les cœurs, ils seront troublés de tous ces événements. Donc au point où les montagnes, elles marcheront. Donc les montagnes qui sont stables, elles bougeront en ce jour. Et Allah les explosera au point où elles deviendront comme de la poussière, comme de la poussière qu'on disperse. Et le ciel, il se déchirera pour faire des portes, différentes portes. Et à ce moment-là, Allah donc jugera entre les créatures par son jugement, dans lequel il n'y a pas d'injustice. Et ensuite, on allumera le feu de l'enfer, donc de Jahannam, qui sera préparé pour les injustes, et qui sera leur refuge. Et ils y resteront ahqaba. Yalbathuna fiha ahqaba. Ahqaba, ça veut dire des longues périodes. Donc comme ils ont dit beaucoup ici, ils disent, la plupart des interprétateurs, ils disent ahqaba, c'est 80 ans. Donc eux, ils disent, Allah, ils disent, ahqaba, ils vont y rester ahqaba. Donc des années, des années, des années, des années. Pendant des années. وَهُمْ إِذَا وَرَدُوهَا لَا يَذُقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا. Et quand ils y seront, la yadhuquna fiha bardan wa la sharaba, c'est-à-dire ils vont pas goûter de froid, de fraîcheur ni de boisson. Ay la ma yabrudu juruduhum wa la ma yadfa'u dhama'ahum. Donc ils pourront pas goûter ce qui va les rafraîchir leur peau de la chaleur de l'enfer, ni goûter de l'eau qui pourra étancher leur soif. Illa hamiman wa ghassaqa. Ay ma an harran yashwi wujuhahum wa yaqta'u am'a'ahum. Donc hamim, c'est-à-dire de l'eau chaude qui va elle cuira quelque part, c'est-à-dire elle fera tashwi comme meshwi, elle va cuire leur visage et elle coupera, elle déchirera leurs intestins, c'est-à-dire toutes leurs entrailles, les estomacs et les intestins. Wa rassaqan wa huwa sadid ahli an-nar alladhi huwa fi ghayatin natin wa karahatin madhaq. Ay rassaq. Rassaq, c'est le pu des gens de l'enfer. Donc leur pu sortira et c'est eux-mêmes, ils le mangeront. Donc c'est quelque chose qui est d'une mauvaise odeur. Une mauvaise odeur extrême et d'un mauvais goût extrême. وَإِنَّمَا اسْتَحَقُوا هَذِي الْعُقُوبَاتِ الْفَضِيعَةِ جَزَاءً لَهُمْ وَوِفَاقًا عَلَى مَا عَمِلُوا مِنَ الْأَعْمَالِ الْمُوصِلَةِ إِلَيْهِمْ. Donc pourquoi ils ont mérité ça ? جَزَاءً, comme il est dit dans la sourate, Jaza'an wifaqa, c'est-à-dire c'est une récompense qui correspond à ce qu'ils ont fait, qui est en accord avec ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire ils ont fait des mauvaises actions qui les a conduits à cette situation. Donc wifaqa, c'est-à-dire Allah les a récompensés conformément à ce qu'ils faisaient, parce qu'ils étaient mécréants et désobéissants. Lam yadhlimhum Allah walakin zalamu anfusahum. ولهذا ذكر أعمالهم التي استحقوا بها هذا الجزاء فقال إنهم كانوا لا يرجون حسابا. Donc c'est-à-dire Allah n'a pas été injuste envers eux-mêmes quand il leur a fait ça, mais c'est eux-mêmes qui ont été injustes et qui se sont lésés. Ils ont été injustes envers leur propre personne. C'est pour ça qu'après Allah mentionne leurs actions. C'est comme si pour dire Allah n'a pas été injuste envers eux, mais regardez ce qu'ils ont fait. Donc il dit إنهم كانوا لا يرجون حسابا أي لا يؤمنون بالبعث. وَلَا أَنَّ اللَّهَ يُجَازِي الْخَلْقَ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فَلِذَلِكَ أَهْمَلُ الْعَمَلَ لِلْآخِرَةِ. يعني لم كذبوا بالساعة وبالجازة, يعني بالجازة أن الإنسان يجازى إن خير فخير وإن شر فشر, كذبوا بذلك فأهملوا, يعني لم يهتموا بالاستعداد والعمل لهذا اليوم. دوك la première action qu'il a citée, il a dit il n'espérait pas de compte. C'est-à-dire, il ne croyait pas à la résurrection et qu'Allah récompense pour le bien et pour le mal. Donc, c'est pour ça qu'ils ont délaissé les actes pour se préparer à la vie future. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. Et ils démentaient nos versets. أَيْ كَذَّبُوا بِهَا تَكْذِيبًا وَاضِحًا صَرِيحًا وَجَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ فَعَانَدُوهَا. C'est-à-dire qu'ils ont mécru, c'est-à-dire c'est une mécréance claire. ils ont affiché leur mécréance de façon claire, malgré que les preuves leur soient venues. Or, toute chose, nous l'avons écrite. Nous l'avons encerclée. Nous l'avons comptée en écriture. C'est-à-dire, on l'a enregistrée. Donc, toute chose, qu'elle soit petite ou beaucoup, qu'elle soit bien ou mal, Allah Azza wa Jal l'a écrite et l'a enregistrée. Ay katabnahu fi al-lawh al-mahfouz. Allah l'a écrit dans l'lawh al-mahfouz. Entre guillemets, la table gardée. Sur laquelle il a écrit toute chose. فَلَا يَخْشَ الْمُجْرِمُونَ أَنَّ عَذَّبْنَاهُمْ بِذُنُوبٍ لَمْ يَعْمَلُوهَا وَلَا يَحْسَبُوا أَنَّهُ يَضِيعُ مِنْ أَعْمَالِهِمْ شَيْءٍ أَوْ يُنْسَى مِنْهَا مِثْقَالُ ذَرَّةٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Donc ici il dit, c'est comme si Allah leur disait, ô vous les criminels, c'est-à-dire vous les mécréants, ne craignez pas qu'on vous châtie pour des choses que vous n'aurez pas fait. C'est-à-dire on ne va pas vous punir pour des choses, pour des péchés que les autres ont fait ou que vous n'avez pas fait. Et ne croyez pas non plus qu'on va oublier ce que vous avez fait de bien. Rien ne sera oublié, comme il est dit dans un autre verset. Donc on posera le livre et tu verras les criminels malheureux à cause de ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire dans le livre. Et ils diront, malheur à nous, pourquoi ce livre ne laisse ni bien, ni petite chose, ni grande chose sans la compter. Et donc ils trouveront devant eux ce qu'ils ont fait, et ton Seigneur, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, n'est injuste envers personne. C'est-à-dire que le mujrimin, le kafirin, ils verront ce qu'ils ont fait. Et que l'azab qui les touche, le châtiment qui les touche, c'est à cause de ce qu'ils ont fait. Et qu'Allah, il n'a pas été injuste envers eux, parce qu'il les avait prévenus. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا أيها المكذبون هذا العذاب الأليم والخزي الدائم فلن نزيدكم إلا عذابا وكل وقت وحين يزداد عذابهم وإذ الآية أشد الآيات في شدة عذاب أهل النار أجارنا الله منها آمين. Donc il dit ensuite فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا, c'est-à-dire Allah va leur dire goûtez et on va vous rajouter que du châtiment. Donc c'est-à-dire, ô vous qui mécroyez, goûtez ce châtiment et cette humiliation, et on va vous rajouter que votre châtiment, il va faire que s'amplifier. Et Cheikh dit, ce verset, c'est le verset le plus dur qui parle à propos du châtiment. Pourquoi ? Parce que les autres versets, ils parlent du châtiment, ils t'expliquent comment il est le châtiment, mais ce verset-là, il est pire, parce qu'il te dit, le châtiment, il va être que pire, de pire en pire. Donc c'est pour ça, Cheikh dit qu'Allah nous protège de ce feu et de ce châtiment. ثم قال تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. لما ذكر حال المجرمين ذكر ما آل المتقين. Donc après Allah il a cité des versets, après qu'il ait cité où ils vont aller les mujrimin, c'est-à-dire les criminels entre guillemets, il a cité maintenant où est-ce qu'ils vont aller les pieux. فقال إن للمتقين مفازا أي الذين اتقوا سخط ربهم بالتمسك بطاعته والانكفاف عما يكرهه فلهم مفاز ومنجا وبعد عن النار وفي ذلك المفاز لهم. Donc il dit cela, al-muttaqin. C'est quoi al-muttaqin? Al-ladhina taqa sakhat Allah. Taqa, ça veut dire tu évites. Taqa, ça veut dire éviter quelque chose. Donc al-muttaqin, c'est ceux qui ont évité la colère d'Allah en faisant ce qu'Allah a dit de faire et en évitant ce qu'Allah ne veut pas qu'ils fassent. Tout simplement, c'est ça taqwa. Donc ceux-là, ils ont mafaz. Mafaz, c'est-à-dire la réussite. Parce qu'ils seront éloignés de... النار. Ils seront éloignés de l'enfer. وفي ذلك المفاز لهم حدائق وهي البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية في الثمار التي تتفجر بين خلالها الأنهار وخص الأناب لشرفه وكثرته في تلك الحدائق. Donc il a dit حدائق وأعناب. Ils auront des jardins et des raisins. حدائق, c'est-à-dire c'est Le hadaiq, comme on dit le hadiqa, c'est un parc. Donc c'est-à-dire c'est un jardin qui regroupe toutes sortes donc de fruits et d'arbres, des beaux arbres, et dans lesquels aussi il y a des courants d'eau qui sortent. Et aussi pourquoi il a cité Allah Azza wa Jalla les raisins spécialement, parce que le raisin c'est un fruit qui est aimé plus que les autres, qui est un fruit noble par rapport aux autres. Et parce que c'est un des fruits qui aura le plus dans ces jardins, dans les jardins du paradis. ولهم فيها زوجات على مطالب النفوس كواعب وهي النواهد التي لم تتكسر ثديهن من شبابهن وقوتهن ونضارتهن والأتراب التي على سن واحد متقارب ومن عادة الأتراب أن يكن متآلفات متعاشرات وذلك السن الذي هن فيه 33 سنة في أعدل سن الشباب. Ensuite il a parlé donc du fait qu'ils allaient avoir des épouses qui sont comme ils le veulent, comme leurs âmes elles le désirent. Kawa'ib. Kawa'ib, donc pluriel de ka'iba, c'est-à-dire c'est les femmes qui sont encore physiquement comme quand elles étaient jeunes. Leur poitrine elle est encore comme quand elle était jeune. Elle n'est pas retombée. Elle est encore ferme comme elles étaient jeunes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont jeunes, elles sont fortes et elles sont belles. Donc c'est-à-dire ces femmes du paradis, elles sont en pleine beauté, pleine jeunesse. Elles attrabe. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابَ أَتْرَابَ, il dit, c'est-à-dire des femmes qui ont toutes le même âge. Et il dit, la caractéristique des femmes qui ont un même âge, c'est qu'elles s'entendent bien et elles vivent ensemble. Donc c'est pour ça, c'est حُور, elles sont ensemble et elles vivent ensemble. Et elles s'entendent bien. Et cet âge aussi, qui est le leur, le shir dit ici, rahimahullah ta'ala, c'est l'âge de 33 ans. Parce que c'est l'âge le plus juste au niveau de la santé et la forme d'une personne. وكأسا دهاقا أي مملوءة من رحيق لذة للشاربين وكأسا دهاقا c'est-à-dire et des verres remplis, donc il dit rempli de rahiq, c'est-à-dire la boisson des gens du paradis qui est un délice pour ceux qui vont la boire. لا يسمعون فيها لغوا أي كلاما لا فائدة فيه ولا كذابا أي إثما كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما illa qilan salaman salama. Donc aussi il dit ensuite ils n'entendent dedans ni larwan ni kizab, c'est-à-dire ils n'entendent pas dans le paradis al-larou, c'est toute parole futile dans lequel il n'y a pas de bénéfice et il n'y a pas de bien, et non plus de kizab, c'est-à-dire ils n'entendent pas de parole qui est un péché, comme Allah l'a dit dans un autre verset, ils n'y entendent pas de distraction ni de péché, si ce n'est salam salam, c'est-à-dire le salut, la paix. وإنما أعطاهم الله هذا الثواب الجزيل من فضله وإحسانه جزاء من ربك عطاء حسابا أي بسبب أعمالهم التي وفقهم الله لها وجعلها ثمنا لجنته ونعيمها. Donc après il a dit جزاء من ربك عطاء حسابا, c'est-à-dire qu'Allah عز وجل nous montre ici qu'il leur a donné ça comme récompense par sa grâce et sa bienfaisance, par récompense pour ces actions qu'ils ont faites, et vers lesquelles Allah les a guidés, et dont il a fait le prix du paradis. Donc c'est-à-dire que c'est Allah Azza wa Jal, c'est par sa miséricorde qui récompense les gens par le paradis. C'est pour ça qu'il y a le hadith qui dit, bima'na al-hadith, la yadkhulu ahadun al-jannata bi'amalihi. Donc personne ne rentre au paradis par ses actes. Qu'est-ce que ça veut dire par ses actes ? Bi'amalihi, ici ça veut dire bi'iwadi amalihi, en échange de ses actes. Parce que si c'était en échange de nos actes, personne n'irait au paradis. Personne n'y mériterait d'entrer au paradis. Et les sahaba, ils ont dit hatta anta ya Rasulallah, même pas toi, il a dit hatta ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Il a dit même moi, sallallahu alayhi wa sallam, sauf si Allah me prend dans sa miséricorde. Donc c'est-à-dire, pourtant dans les versets, il y a beaucoup de versets du Coran qui dit qu'ils rentrent au paradis par leurs actes. Donc par leurs actes, bima kanu ya'malun, c'est-à-dire bisababi ma kanu ya'malun, par la cause de ce qu'ils faisaient. Et quand le prophète il a dit vous rentrez pas au paradis par vos actes, c'est-à-dire bi'iwadi amalikum, c'est-à-dire on rentre pas au paradis en échange de nos actes, parce que nos actes ils valent pas de rentrer au paradis. Mais on rentre au paradis par la cause de nos actes. C'est-à-dire, Allah il a dit, celui qui fait les bonnes actions, je vais lui faire miséricorde, je vais le rentrer au paradis. il a fait que les bonnes actions, c'est ça le sabab pour entrer au paradis. C'est ça le sabab de la récompense. ثم قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Donc les derniers versets, inshallah. Ah ouais. Je finis ou là? Il y a quelqu'un qui est pressé ou là je finis? On finit quand même. Ah. أي الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم. Donc c'est comme si ici Allah disait, après avoir cité tout ça, il dit رب السماوات والأرض. C'est comme s'il disait celui qui leur a donné tout ça, c'est رب السماوات والأرض, le Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم رب السماوات والأرض الذي خلقها ودبرها. يعني الذي خلقها ودبرها هذا معنى الرب. الرب هو الخالق المدبر, هذا هو معنى الرب. أما الإله معناه المعبود, هذا الفرق بين الإله والرب. يعني الرب اسم الله, الرب معناه الخالق المدبر للعالمين. الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء. Donc il a dit رب السماوات والأرض, c'est-à-dire celui qui a créé les cieux et la terre et qui les gère, c'est ça الرب. الرحمن, c'est-à-dire le miséricordieux, entre guillemets, dont la miséricorde, la rahma, elle englobe toute chose. فَرَبَّاهُمْ وَرَحِمَهُمْ وَلَطَفَ بِهِمْ حَتَّى أَدْرَكُوا مَا أَدْرَكُوا. Donc Allah, il les a élevés, رَبَّاهُمْ, c'est-à-dire il les a créés, il les a fait progresser, il les a, entre guillemets, il leur a donné tarbiya, donc on ne va pas dire éduquer, mais il les a fait progresser. Ensuite, en plus, il leur a fait miséricorde. C'est pour ça qu'ils ont atteint ce qu'ils ont atteint. ثم ذكر عظمته وملكه العظيم يوم القيامة وأن جميع الخلق كلهم ذلك اليوم ساكتون لا يتكلمون ولا يملكون منه خطابا. Donc Allah ensuite dit يوم يقوم الروح والملائكة صفا, et il a montré que ce jour-là, quelle sera la situation de ces créatures, c'est qu'ils ne parleront pas. Donc toutes ces créatures, elles ne pourront pas parler, elles seront muettes. ولا يملكون منه خطابا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا فلا يتكلم أحد إلا بهذين الشرطين أن يأذن الله له في الكلام وأن يكون ما تكلم به صوابا. Donc il a dit personne ne parlera إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا, sauf celui à qui الرحمن a donné la permission et qui dira صواب, c'est-à-dire la vérité. Donc les gens, ils pourront pas parler au jour du jugement, sauf par deux conditions. C'est qu'Allah leur donne la parole et qu'ils disent la vérité. C'est pour ça que vous lisez dans des hadiths ou dans les versets, par exemple quand Isa il va parler au jour du jugement, ou alors quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il va parler. Pourquoi? Parce qu'Allah va leur donner la permission de parler. ذلك اليوم الحق لأن ذلك اليوم هو الحق الذي لا يروج فيه الباطل ولا ينفع فيه الكذب وفي ذلك اليوم يقوم الروح وهو جبريل عليه السلام الذي هو أشرف الملائكة والملائكة أيضا يقوم الجميع صفا خاضعين لله لا يتكلمون إلا بما أذن لهم الله به. Donc il dit dans ce jour-là il y aura الروح. الروح ici c'est جبريل. Jibril et Al-Malaika, avec les anges, saffan, c'est-à-dire ils seront en rang humble devant Allah Azza wa Jal, et ils ne parleront pas, sauf si Allah leur donne leur dit de parler. فَلَمَّا رَغَبَ وَرَهَبَ وَبَشَّرَ وَأَنذَرَ قَالَ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ وَمَآبَ أي عَمَلًا وَقِدَمَ صِدِقٍ يَرْجُعُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Donc après qu'Allah il fait peur et il nous ait fait envie, il nous a parlé du paradis, ça nous a donné envie. Et il nous a parlé du jour du jugement, ça nous a fait peur. Donc une fois qu'il a fait ça, il dit, donc celui qui veut, qu'il prenne ma'ab, c'est-à-dire un lieu de refuge auprès de son Dieu. C'est comme s'il disait, donc voilà et voilà. Donc celui qui veut, il choisit. S'il veut aller auprès d'Allah Azzawajal. Inna anzarnakum azaban qariba, liannahu qad azifa muqbilan. وكل ما هو آت فهو قريب يوم ينظر المرء ما قدمت يداه أي هذا الذي يهمه ويفزع إليه لينظر في الدنيا إليه كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الآيات فإن وجد خيرا فليحمد الله وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ولهذا كان الكفار يتمنون الموت من شدة الحسرة والندم. Donc il dit, nous vous avons averti d'un jour proche, parce que le Yawm al-Qiyama il est proche. Qarib, azaban qariba, d'un châtiment proche. Yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadah, c'est-à-dire le jour où l'homme il va regarder ce que ses mains ont avancé, c'est-à-dire ce qu'il a fait. Parce que les Arabes disent par exemple kasabat aydina, ce que nos mains ont fait, c'est-à-dire ce qu'on a fait. C'est entre guillemets une expression. Donc, le jour où l'homme il regardera ce qu'il a fait. Donc Allah, c'est comme s'il nous prévient pour que tout de suite tu regardes ce que tu fais. Comme Allah il a dit dans un autre verset, ô vous qui avez la foi, craignez Allah, et que chacun regarde ce qu'il a préparé pour demain. C'est-à-dire au jour du jugement, chacun il va voir ce qu'il a fait, donc c'est maintenant qu'il faut préparer ce que tu verras. Donc celui qui trouve du bien, qu'il remercie Allah. Et celui qui trouve du mal, qu'il ne blâme que sa propre personne, parce que c'est lui qui a fait ce mal. Et il dit, c'est pour ça que les koufars, au jour du jugement, les mécréants, ils espéreront mourir. Tellement ils vont regretter, ils espéreront disparaître. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. C'est-à-dire, le kafir, il va dire, comme j'aimerais bien être de la poussière. Et comme il est ramené aussi dans Tafsir ibn Kathir, que quand ils verront les animaux, Allah va les faire mourir et va en faire de la poussière, parce qu'ils ne rentrent ni au paradis ni en enfer. Eux, ils vont dire, Ya laytani kuntu turaba. Si seulement moi aussi je pouvais être comme les animaux, je disparais. Parce qu'ils savent qu'ils vont souffrir. Nas'alullah an yu'afiyana min al-kufri wa sharri kullihi, innahu jawadun karim. Amin.